الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تفضل. نعم. يا رجل حق، قال العلماء الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح صحيح مسلم حديث نيميرو 1681 5 584 585، أما الآية التي تدل على ذلك في التوراة فالمشهور عند المفسرين والأصوليين أنها بهذا اللفظ الشيخ والشيخة إذا زينا إذا زنيا زنيا إذا زنيا نعم إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرين والأصوليين، ولكنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته غير مناسب للحكم وغير مطابق للحكم، لأن حكم الرجم منوط بالثيوبة لا بالشيوخة بالشيخوخة، والمعلق بوصف لا يمكن أن يتغير. فالشيخ مثلا قد يكون شيخا ولكنه بكرا وقد يكون ثيبا وهو صغير. فلما اختلف الحكم الذي قرره عمر رضي الله عنه من الآية المنسوخة، علمنا أن لفظها ليس هو ما اشتهر عند المفسرين أو الأصوليين، بل هو الآن مجهول لنا، لكن المعنى معلوم والحمد لله. بارك الله فيك. بتبتدي من التوراة؟ التوراة. الآية دي في التوراة ولا في قد كما قال الشيخ قد تكون نزلت في التوراة. T'as une traduction ? Vas-y, rapide, comme ça les grandes lignes, si tu veux juste. Là, donc le verset qui parle de. Le verset qui est connu auprès des Mufassirin, auprès de l'explicateur du Coran et des savants de Ossoul, qui est connu sous le sens que le shir et la sheikhat, l'homagé et la famagé, lorsqu'il fornique la fidélité, c'est une punition de la part d'Allah. Et ce sens qui a été rapporté par beaucoup d'interprètes de Saman de l'Ossoul, lorsque tu regardes bien les sens, tu trouves qu'il ne convient pas au hukm, il convient pas réellement à la sentence, parce que la lapidation, elle concerne celui qui a fait la fornication. Elle n'est pas liée à l'âge, en fait. Il y a un chir, par exemple, une personne âgée peut être âgée en même temps ne jamais avoir eu de rapport, alors qu'une personne peut être jeune et avoir eu des rapports et être fornicateur. Donc la règle, la règle sera un peu de ce qu'on vient de voir là, quoi, par rapport à ce que Omar radiallahu anhu l'a constaté. Donc la ayat, elle était abrogée. On comprend maintenant que نلفظها ليس هو ما اشتهر عند المفسرين. يعني c'est pas voulu seulement la personne âgée, le et la personne âgée. C'est bien plus large que ça. الآية اسمح لي بس الآية لما يعني جو اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزينة سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولوا التوراة؟ إيه. وما نعتوا التوراة وحطوا لا ils ont couvert. Attends, Allah, l'homme Abdullah ibn Salam, où est-ce qu'il enlève ton doigt. Chef l'aïa. L'aïa, tu te bêtes ma fait le Coran dans le Taurat. Je veux dire, c'est que le sens, le texte exact, il est ignoré de nous. Mais le sens en lui-même, il est connu. Quand on fait, il faut lapider celui qui fait. Alhamdulillah. وصلنا إلى بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالسراويل. قال المؤلف رحمه الله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. l'hypocrisie et le nifaq fait apparaître l'islam avec la langue et dissimule intérieurement l'incrédulité du couple. الشرح النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر وهو ينقسم إلى قسمين. Donc il dit l'hypocrisie c'est faire apparaître le bien et cacher le mal. Et ça se décompose en deux catégories. نفاق اعتقادي, hypocrisie qui a une relation avec la conviction, avec le dogme. Donc qui est النفاق الأكبر. وهذا كفر أكبر. Donc ça c'est de la mécréance majeure. والمنافق شر من الكافر الأصلي. Hypocrite est pire que le mécréant. De base, c'est-à-dire le mécréant qui déclare sa mécréance. لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو. Parce que le mécréant, il déclare sa mécréance et il déclare être عدو, un ennemi. لكن المنافق يخدع المسلمين. Par contre, l'hypocrite, il s'incruste au milieu des musulmans et il trahit les musulmans de l'intérieur. ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم. Il fait apparaître son apparence quand on le voit, pensant que c'est un des nôtres, c'est un musulman parmi nous, etc. Alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. يظهر أنه مسلم وهو كافر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc في مطلع سورة البقرة في وصف المنافقين verset 9 سورة 2 سورة 2 verset 9 ils cherchent à tromper Allah et les croyants mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent et mais ils ne s'en rendent pas compte. ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار. C'est pour ça qu'Allah il a fait en sorte qu'ils seront dans le degré ou dans l'endroit le plus bas de l'enfer. تحت عبدة الأوثان والكفار. En dessous des adorateurs, des idoles, gens qui ont adoré autre qu'Allah, quelle qu'elle soit, et le kuffar, les mécréants. لأنهم شر من الكفار, car ils sont pires qu'eux. ولهذا قال جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. C'est pour ça Allah il a dit, هم العدو, dans Surat Al-Munafiqun, Surat 63, verset 4. L'ennemi c'est eux. Prends-y garde. Prends-y garde. Hum al-adou, le تعبير اللغوي هذا يفيد كأن الله حصر العداوة فيهم. C'est comme si quand tu dis hum al-adou, c'est comme si Allah dit c'est que eux les ennemis. Hein, il a comblé, il a limité le fait que on ait des ennemis si ce n'est eux. قاتلهم الله أن يؤفكون. والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمان أبدا. Donc le نفاق الاعتقادي, c'est ce qui n'est pas hein. Juste la traduction de la fin du verset, c'était quoi? Qu'Allah les extermine, comment les voilà? Comme les voilà détournés du droit chemin. Nifaq, l'i'tiqadi, donc il dit l'hypocrisie, la majeure, c'est celle qui ne se réunit pas avec l'iman. Il n'y a pas d'iman. Hein? Abadan. Ça, c'est la première sorte qui fait sortir de l'islam. An-naw' al-thani, deuxième sorte, an-nifaq al-amali, hypocrisie dans les actes. والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا. Donc l'hypocrisie dans les actes, c'est que l'homme, il soit la personne, elle soit مؤمن, مؤمنة, croyante en apparence et au cachet. لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين. Mais il est auteur d'actes ou bien il a des qualités, des défauts plutôt, des hypocrites, des choses. تنقص إيمانه وعليه وعيد شديد. Qui fait en sorte que sa foi elle faiblit, son iman il faiblit et il est menacé d'une lourde menace. Wa'id c'est la menace, contrairement à l'wa'd. لكنه لا يخرج من الملة. Mais malgré cela, il ne sort pas de l'islam. يسمى النفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر. Donc, c'est ce qu'on nomme l'hypocrisie dans les actes. Et c'est ce qu'on nomme aussi l'hypocrisie mineure. ومثل هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو حديث هذا لدى كومبليمون ابن رجب لسنكونت حديث قال أربع كات كاركتيريستيك celui qui les a c'est un hypocrite à l'absolu et celui qui a une de ces caractéristiques ou plusieurs il aura une partie de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Yada'aha, c'est hatta yatrukaha. Ida haddatha kadab, quand il s'exprime, il ment. Wa ida wa'ada akhlaf, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Wa ida tumina khan, quand on lui donne un dépôt, tumina, ça vient de amana. Quand on lui donne une amana, khan, il trahit. Il ne tient pas le dépôt. Wa ida khasama fajar, et quand il se dispute, il devient grossier. Fahada al-mu'min. Donc il dit ça émane d'un musulman, d'un croyant, que il se peut qu'il ait ses caractéristiques. Il y a que des ahyanan, parfois il ment, parfois il ne tient pas sa promesse, parfois il ne respecte pas le dépôt, parfois il dit des choses grossières, etc. وَهُوَ نَقْصٌ فِي إِيمَانِهُ وَمُسْتَحِقٌ لِلْوَعِيدِ. Donc il dit c'est un amoindrissement, c'est une faiblesse dans sa foi, dans son iman, et il mérite, donc il mérite, il est menacé, hein, celui qui ment, مثلاً, il a la menace de l'a'na, l'a'natullah al-kadhibin, celui qui ne respecte pas le dépôt, etc. Toutes ces choses-là sont des péchés, la personne est menacée. لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الدِّينِ. Mais il ne sort pas de l'islam à travers cela. وَهَذَا النِّفَاقُ هُوَ الرِّيَاءُ الَّذِي خَافَهُ وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. Donc il dit cette hypocrisie là c'est ce qu'a craint le messager صلى الله عليه وسلم sur ses compagnons. وسماه الشرك الأصغر. Il a nommé cela l'hypocrisie le polythéisme mineur. قال إن أخوف ما أخاف على عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة عن محمود بن لبيد قال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد. Donc il dit hadith, la chose que je crains le plus pour vous c'est le polythéisme mineur. Ils ont dit c'est quoi le polythéisme mineur au messager d'Allah? Il a dit c'est l'ostentation, ria. Allah dira le jour de la résurrection, quand il va rétribuer ses créatures, idhabu, partez, allez voir ceux pour qui vous faisiez ces actes. Ladina kuntum tura'un, c'est-à-dire vous recherchez leur regard. Hein? Tura'un, ça vient de ru'ya. Vous recherchez que les gens ils vous voient ici-bas. Regardez s'ils ont une récompense à vous attribuer. Wa qala sallallahu sallam, ala ukhbirukum bima huwa akhfa, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe quelque chose que je crains à votre propos plus que le faux messie? Qalu bala, ils ont dit oui. Qala ash-shirkul khafi, il a dit le polythéisme qui est caché, qui n'est pas apparent. Yaqum ar-rajul fa yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin ilayh. Il a dit quelqu'un se lève, il fait la prière, il prie, il fait salat, et il enjolive, il embellit sa prière à cause du regard d'une autre personne envers lui. Rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad wa Ibn Majah fi Sunanihi wa al-Tahawi fi Sharh Mushkil al-Athar wa Ibn Adi fi al-Kamil wa Ibn Adi fi al-Kamil wa rawahu mukhtasaran al-Bazzar fi Musnadihi Kashf al-Astar wa al-Tabari fi al-Tahdhib wa al-Hakim fi al-Mustadrak 'ala as-Sahihayn wa ghayruhum 'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sahih al-Tahawi al-Hakim wafaqahu al-Dhahabi wa hassanahu al-Bawsari fi Misbah Az-Zujaja. Donc, ida salla 'inda an-nas yuzayyinu salata. Quand il fait la prière devant des gens, il l'embellit. Wa ida salla fi baytihi aw mahallin khafiyyin fa innahu yanqurus salat. Et quand il prie tout seul, il prie à la maison, bien il prie dans un endroit où il n'y a personne qui le voit, yanqurus salat, c'est-à-dire il s'empresse, il prie vite. C'est pris de naqr al-ghurab ou bien naqr ad-dik, c'est-à-dire qu'il picore sa prière. Il n'a pas le temps de faire une prosternation longue et il est rapide. فهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم خوفا شديدا. Voilà ce qu'on craint les compagnons sur leur propre personne. Une crainte considérable. ولا أحد يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه. Il dit personne ne doit sous-estimer cette chose-là en disant je n'ai pas moi cette caractéristique, je n'ai pas de l'hypocrisie ou je n'ai pas l'ostentation. Au contraire, il faut craindre cette chose-là. ولهذا قالوا لا يخافه الا مؤمن. C'est pour ça que les ulama ils ont dit l'hypocrisie et l'ostentation, il y a qu'un croyant qui a peur de ces choses-là. ولا يأمنه الا منافق. Il y a qu'un hypocrite qui se sent à l'abri de ça. C'est une parole de qui ça? قالوا كلمه مشهوره عند العلماء, connue chez les savants. قالوا c'est comme une hikma qui a été dite, tu vois, une sagesse qui a été dite par quelqu'un et qui s'est propagée et qui est acceptée ni par les gens. فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق وهو النفاق الأصغر. Donc il dit le muslim يخاف على نفسه من هذا النفاق, craint cette hypocrisie là qui est l'hypocrisie mineure. قوله النفاق يظهر أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. L'hypocrisie, le nifaq, fait apparaître l'islam avec la langue هذا تعريف النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر. Donc ça c'est la définition de l'hypocrisie majeure, hein, qui est l'hypocrisie qui a un rapport directement avec l'iman, avec la foi, l'aqida, etc. وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا. Il dit ça, ça ne peut pas émaner d'un mu'min, d'un croyant. Jamais. والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا وإلى كفار ظاهرا وباطنا وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر حيث قال سبحانه عن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا. Donc il dit Allah il a décomposé les gens en trois catégories au début de sourate Al-Baqarah. Il a décomposé première catégorie ceux qui sont croyants dans leur intérieur et dans leur apparence. Ceux qui sont mécréants dans leur intérieur et dans leur apparence. Et ceux qui sont croyants en apparence, donc les munafiqin, et qui sont mécréants à l'intérieur. Donc il a cité les premiers versets de Sourate Al-Baqarah. Il dit ces versets-là sont à propos des croyants. Zahiran wa batinan. Alladhina yu'minuna bil ghaib, etc. Ceux qui croient à l'invisible, ils font la prière, ils dépensent de ce qu'on leur a attribué. Ils croient en ce qui a été révélé, ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude envers la vie dernière, etc. Ça c'est le mu'minin. وَأَمَّا الْكُفَّارُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Il dit concernant le kuffar, donc ceux qui sont mécréants en apparence et dans le cachet. Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. C'est-à-dire, tabaqa thaniya, ça c'est la deuxième catégorie. Tabaqa al-oula al-mu'minin, tabaqa thaniya al-kuffar, thumma qala fi s-sunf al-thalith, troisième catégorie. Wa min al-nas man yaqulu amanna billah, wa bil yawm al-akhir wa ma hum bi mu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Donc tout ce passage là du verset 8 jusqu'au verset 18 في شأن المنافقون المنافقين. Tout ça c'est à propos des hypocrites. Long passage. هذه كلها في المنافقين وهي بضعة عشرات آية. Donc qui est 10 et quelques versets à propos des hypocrites. C'est à partir de verset 8 jusqu'à 18, c'est ça? نعم. الذين كفروا سواء عليهم. Hein, je m'écoute au dessus. Non, j'ai marqué 2. 2 c'est la sourate. 2 c'est la sourate. Non, le Baqara 2 à 18. 2 et non, il est c'est le 3. Non, c'est bon, c'est juste. Hein? C'est sur le 2 et verset 18. Non. 2. Donc il y a 10 et quelques versets. Qawluhu wa yukhfi al-kufra bid-damir. Il dissimule intérieurement l'incrédulité. Al-damir ma'naha ma yudmiruhu fi al-qalb. Donc al-damir ما يضمره c'est ce que tu caches. يضمر تضمر في قلبك الشيء يعني تخفيه ما يضمره في القلب comme ils ont traduit dissimulé là. قال المؤلف رحمه الله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم ولن نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب وعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع الشرائع الإسلام. et sache que ce bas monde est la maison d'Ab, de la foi et de l'islam. Parmi les nations de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des croyants dans leurs habits, leurs héritages, leurs immolations des animaux et leurs prières. Aussi, nous ne témoignons pas qu'une personne a une véritable foi tant qu'elle n'applique pas toutes les prescriptions islamiques. Si elle néglige quoi que ce soit en cela, alors sa foi est défectueuse jusqu'à ce qu'elle se repente. الشرح قوله واعلم بأن الدنيا كملت sache que sa foi à la personne n'est que pour Allah Ta'ala le seul à juger qui, si sa foi est complète ou incomplète à l'exception de celui que l'on voit négliger les prescriptions de l'islam. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل c'est-à-dire que l'application l'islam et l'iman les actes convictions etc tout ça ça se passe ici-bas qui est la demeure où on peut œuvrer, appliquer. Amma al-akhirah fa innaha darul jaza. La vie dernière, c'est la vie de la récompense. Fal-islam wa al-iman innama yakunan fi ad-dunya. L'application, la croyance et tout ce qu'il faut faire, ça se fait ici-bas. Amma man mata ala ghayri al-islam wa al-iman fa innahu kafir wa la yanfa'uhu annahu yawm al-qiyamati idha shahada ma kafara bihi yu'min aw yatamanna ar-ruju' wa yatlubu min rabbihi an yarji'a. Donc il dit ça ne sera profitable en rien celui qui meurt sur autre que l'islam sur autre que l'iman et l'islam c'est un mécréant et ça ne lui sera pas profitable le jour de la résurrection de voir de découvrir ce dont il a mécru ici bas ou bien il va espérer yawm al-qiyam y revenir sur terre etc pour œuvrer etc c'est trop tard قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله يدين سورة الأنعام سورة 6 verset 28 verset 27 et si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu ils diront alors hélas si nous pouvions être envoyés sur la terre nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants والإسلام والإيمان بينهما فرق لأن الدين ثلاث مراتب. Entre l'islam et l'iman, il y a une différence, car la religion de l'islam elle est basée sur trois étapes essentielles. أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان. Trois étapes معروفين. كما في حديث جبريل، comme dans le hadith de Jibril عليه السلام. وأوسعها الإسلام. La plus vaste et la plus large d'entre elles, et qui comprend le plus de gens, c'est l'islam, les musulmans. لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر. Car l'islam c'est quoi? C'est se soumettre en apparence. وقد يكون مؤمنا في الباطن وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. Ça se peut que quelqu'un soit soumis en apparence et croyant dans son intérieur. Donc ce sera un musulman mu'min réellement. Et ça se peut que ce soit un musulman en apparence mais munafiq à l'intérieur. Donc il n'est pas mu'min. يكون منافقا. Donc ce sera un hypocrite qui est soumis avec son apparence. صلي وكذا كافرا في الباطن dans son intérieur il est mécréant أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق الإيمان on ne l'attribue pas à l'hypocrite فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان rentre dans cette appellation المؤمن qui est à la foi complète ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان et celui dont la foi elle est amoindrie فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة. Quand les deux mots ils sont réunis ensemble, l'islam ou l'iman, l'islam c'est les auteurs des actes apparents, comme salat, comme siyam, etc. Et l'iman c'est les auteurs des actes cachés. كما في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت. هذه أعمال ظاهرة. Tout ce qu'il a cité dans les piliers de l'islam, ce sont des choses qui apparaissent, que l'on voit. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه أعمال باطنة tout ça ce sont des actes cachés الإيمان en Allah t'as rien à faire الملائكة t'as rien à faire الكتب t'as rien à faire الرسول etc tout ça ça se passe dans ton cœur à la racine ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان mais il faut que les deux se réunissent ensemble l'apparent et le caché. فَإِذَا دُكَرَ وَاحِدٌ فَقَطْ دَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ Quand on cite que l'islam, rentre dedans l'iman. Quand on cite que l'iman, rentre dedans l'islam. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا يعني في المعنى وإذا افترقا اجتمع يعني في المعنى. C'est pour ça les savants disent que l'islam et l'iman quand ils se réunissent ils se divisent, c'est-à-dire ils se divisent dans le sens. Quand ils se réunissent les deux mots ils sont l'un à côté de l'autre, l'islam ou l'iman, l'islam il a un sens, l'iman il a un sens. وَإِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ. Et quand ils se divisent, ça veut dire que un des deux qui est cité, tu trouves l'islam et l'iman, il n'est pas à côté. Ou alors tu trouves l'iman et l'islam, il n'est pas à côté. Ils se divisent. افْتَرَقَ فِي الْمَعْنَى. هَذَا il a son sens. Ils s'unissent. Ils ont le même sens. D'accord. Ça veut dire que l'islam, il prend sa fonction à lui et il remplace la fonction de l'iman. Et l'iman, pareil. مِثْلُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ. C'est pareil que الفقير والمسكين. إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. Quand les deux sont cités ensemble, الفقير il est plus en besoin que le miskin, et le miskin il est un peu moins besogneux. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. On dort مجموع الفتاوى. Et quand un des deux il est cité, rentre dedans l'autre. Ça veut dire quand on cite que le faqir tout seul, il rentre dedans le miskin. Quand on cite que le miskin tout seul, il rentre dedans le faqir. Quand les deux sont cités, le faqir il est en grand besoin. Et le miskin, il est un peu moins besogneux. Voilà. قوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. Parmi la nation de Mohammed صلى الله عليه وسلم, il y a les croyants dans leurs habits juridiques, leurs héritages, leurs immolations des animaux et leurs prières. Ah, vous trouvez. Parmi la nation de Mohammed صلى الله عليه وسلم, il y a les croyants dans leurs habits juridiques. Les héritages, leurs immolations des animaux et leurs prières. Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muslimuna mu'minun. La nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ummat al-ijaba bien sûr, muslimuna mu'minun. Ce sont donc des gens qui sont soumis, sont croyants. Lianna man kana mu'minan fa huwa muslim. Celui qui est croyant, il est soumis. Wa man kana musliman fa qad yakunu mu'minan wa qad yakunu munafiqa. Et celui qui est muslim, donc il est en apparence, il accepte l'islam, etc. Ça se peut que c'est un croyant réellement, donc son apparence elle va avec son cachet. Et ça se peut que c'est un hypocrite. لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. Mais il dit, quelqu'un qui est vraiment soumis à l'islam, il lui faut un minimum de iman. Hein, les actes de l'intérieur, du cœur, etc. Il faut un minimum. Même ne serait-ce que très peu. قالت العرب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Allah dit dans Sourate Al-Hujurat, à propos des Bédouins, Sourate 49, verset 14. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. قوله في أحكامهم ومواريثهم. المسلم. Dans leurs avis juridiques, leurs héritages. المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه. Donc, il dit, le musulman, ne serait-ce qu'en apparence, c'est celui qui nous fait apparaître l'islam. Il est considéré comme parmi eux. Il fait partie d'eux. C'est un musulman. Il fait partie d'eux. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de lui. Ils ont une certaine proximité avec lui. Ils ont le wilaya ou le walaya. وَإِذَا مَاتَ يُرَسِّلُونَهُ وَيُكَفِّنُونَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ. Quand il meurt, il faut le laver. Il faut lui mettre le linceul. Il faut prier sur lui la prière mortuaire. وَيَدْفِنُونَهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. Il l'enterre avec ses confrères musulmans. وَعَلَى قَيْدِ الْحَيَاتِ يُحِبُّونَهُ وَيَتَوَلَّوْنَهُ. Quand il est vivant, en état de vie, ils l'aiment, ils sont en proximité de lui. وَيَتَرَاحَمُونَ بَيْنَهُمْ. Ils sont miséricordieux les uns envers les autres. وَيَتَآخَوْنَ بَيْنَهُمْ. تَآخَوْنَ, ça vient de الْأُخُوَّة, أَخ. C'est-à-dire voilà, le caractère fraternel entre eux. هَذِهِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Voilà comment devrait être la nation du prophète صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, la parabole que l'on peut donner à propos des mu'minines entre eux, musulmans entre eux, les croyants entre eux, dans l'amitié qu'ils ont et la miséricorde qu'ils ont les uns envers les autres, l'amitié qu'ils ont les uns envers les autres et la tendresse qu'ils ont les uns envers les autres, c'est comme un seul corps. Lorsqu'il y a un membre qui ressent une douleur, c'est tout le corps qui y passe sahar wal humma. Le humma, donc c'est la fièvre. Et sahar, c'est qui passe la nuit yani, dans un mauvais état. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه حديث رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, le mu'min envers le mu'min, c'est-à-dire le croyant envers le croyant, c'est comme la fondation, ou bien la construction, يشد بعضه بعضا, un côté il tient l'autre, hein? Elle tient debout parce qu'un côté il tient l'autre. شبك بين أصابعه شبك يعني il va faire entrer ses doigts comme ça. فهم إخوة, ce sont des frères. إنما المؤمنون إخوة, إخوة في الإيمان لا في النسب, ce sont des frères dans, ils ont la même conviction, ils ont le même dogme, ils ont la même religion, les mêmes croyances, c'est pas la, la fraternité yani dans, ils ont le même sang ou là, ils ont les mêmes parents ou bien la même proximité au niveau des liens de sang. قوله وذبائحهم, et leurs immolations des animaux. Les immolations des animaux. Zabihatul muslimi halal. L'immolation du musulman, elle est halal. Un musulman qui immole quelque chose, c'est halal. Hatta walaw kana fasiqan, même si c'est un débauché. Ma dama annahu lam yakhruj min al-islam, fa zabihatuhu halal. Smahli ya cheikh. Oui, tafadhal. Le problème qu'il y a, ahsan ya taklim al-arabiyya, sah. Ahsan, eh. Le mushkil al-mawjoud al-an, yani lamma tatasma' al-nas. هناك يعني في بلد الكفر أو غيره من البلاد لما تجد هناك جزار يذبح ولا تعرف أنه يعني المهم تعرف أنه مسلم وذبح يقول لك أنا أشك أو أنا لا أشعر الأثق فيه أو لا أعرفه هل هذا العمل صح ولا لا يعني إذا رأيت مسلما أنت تعرف أنه مسلم ولئن لم تعرف أنه يصلي أو لا يصلي ما تعرفش يعني لا تعرف حاله هل هو مستقيم أو غير مستقيم هل في هذه الحالة ستشتري منه اللحم أو لا أو ستبدأ تشك وتتكلم فيه بكلام يعني كما يحصل الآن في حضرتك كما يحصل الآن في من كما يحصل يعني ما ترى الآن من الناس من الناس يتكلمون يطعن في هذا مع أنه مسلم يعني تعرف أنه مسلم عربي أو غير عربي تعرف أنه تركي مثلا يعني إخوة سألوا الشيخ محمد بزمول قال لهم ما دام تعرف أن الجزار يصلي حتى ولو في بيته ويقول لك أن اللحم حلال تشتري منه عليه المسؤولية هو طيب هذا على رأيه أنه يصلي ولأنه لا يرى هو غير مصلي عنده كافر صح؟ لا طيب احنا من مذهبنا انه حتى ولئن لم يصلي هو مسلم عندنا هل نحن نشترط ان يصلي ليشتري لحمه كلام الشيخ بزمول وهو يرى ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر طيب من اين اتى هذا الشرط يعني عشان تشتري لحمه تشتري لحم من اين اتى هذا الشرط والله هذا سؤال طرحوه عليه لعله هو من باب الثقة بقوله يعني غير المسلم أو المسلم الذي لا يصلي ممكن يكذب عليك لكن الذي عنده صلاة أقل شيء يعني ممكن يخبرك يقول لك هذا لحم حلال وهو يتولى هذا عرفت؟ والله أعلم هذه تحتاج إلى طرح سؤال وتوضيح الجالية هنا مثلا في مدينتنا هذه كيف حالها وحال المسلمين فيها اسمح لي أنت ذهبت إليها إلى هذا الشخص جزار وغيره مسلم لا يصلي وما لا تراه في المسجد هل تأكل لحمه أو لا؟ جلست في بيتي أتالك بصحن فيه لحم هل تأكل لحمه أو لا؟ تسألني أنا ولا تسأل باب الشرع؟ اسمح لك كمسلم يعني أي مسلم جلست عنده أنت ضيف عنده أتى بلحم في صحن فيه لحم هل تأكل أو لا؟ هل تحتاج إلى سؤال اسمعني إلى مكتوبة حلال تحتاج إلى سؤال تحتاج إلى طرح سؤال لأن غالب الإخوة يعني لا يأكل إلا عند شخص يستدعيه أو يعرفه أو يقدم مثلا اللحم في المسجد عرفت؟ إذا قدم اللحم في المسجد ما تذهب تسأل من أين أتى هذا اللحم ومن الذي قدمه ومن الذي ذبحه تفضل كله شخص جزائري مثلا أنت لا تراه في المسجد دعاك إلى البيت أو جلس أقارب من الأقارب أو حتى تركي عندنا لا يصلي لا تراه ولكن هو مسلم ولنا مسلم ولنا سني وكذا جلست عنده أتاك بمساحن في لحم هل تقول لنا يعني مع انه مسلم احنا اقول بسم الله يعني تحتاج الى طرح سؤال تحتاج الى طرح سؤال للعلماء وهم يفتون في هذا. هل ترى يعني اسمح لي هل ترى انه مسلم؟ انا عندي انا شخصيا عندي ترك الصلاة عارف واجبها ان الصلاة واجبة وكذا وتاركها انا عندي ليس بمسلم. اذا كنت ترى انه مسلم هل تاكل لحمه؟ تاكل لحمه خلاص انتهى المشكلة. لكن احسن تطرح السؤال حتى تبرد ذمتك. نطرح سؤال ان شاء الله في مكانك نطرح العلماء ونستفسر حتى الشيخ بزمول اذا كان يرد نطرح عليه المسألة نوضح له الحال ولماذا لا يشترط كونه يصلي عرفت لان حتى الجزار حتى ولو هو يصلي ليس هو الذي ذبح الذبيحة عرفت يعني لا علاقة بين ذبح الذبيحة والجزار. تحتاج الى طرح سؤال وان شاء الله نشوفه في الموضوع. بارك الله فيك. وين وصلنا؟ ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا. حتى ولو كان فاسقا ما دام انه لم يخرج من الاسلام فذبيحته حلال طون كيل انكور مسلمان دون سفير دو الاسلام سون انيمولاسيون هي ليسيت. والمنافق ايضا اذا ذبح ذبيحه ناكلها بحكم انه مسلم يدي ميم ليبوكريت يلي لي غورج حنا نسي با كيل ايبوكريت يلي غورج ان طون كمسلمان ما لم يتبين يعني سي حلال ما لم يتبين لنا انه منافق طون كون با des choses en clair qui nous font comprendre comme quoi c'est un hypocrite. قال تعالى إلا ما ذكيتم الذكاة بالذال c'est الذبح sauf ce que vous avez immolé. هذا خطاب للمسلمين هذه سورة المائدة سورة 5 verset 3 ça c'est خطاب. شو معنى خطاب؟ s'adresse voilà Allah il s'adresse aux musulmans وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب il nous a autorisé les immolations des gens du livre اليهود والنصارى. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الله يديد عن القرآن سورة 5 verset 5 vous est permise la nourriture des gens du livre. La nourriture ici c'est ذبائح comme il a dit Abdullah ibn Abbas يعني ذبائحهم لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. Pourquoi? Parce qu'ils immolent conformément à la méthode légitime, conformément bimujibi ma indahum min al-kitab, conformément à ce qu'ils ont dans leur livre. Amma dhabaihu al-wathaniyin wal-kuffar wal-dahriyin wal-murtadin fa nahnu la na'kuluha concernant les immolations. Aujourd'hui ça c'est d'actualité. Oui, bien sûr. Mais pour qu'elle soit halal la viande, il faut des conditions. Non? كان محاضرة الشيخ صالح فوزان اللي ترجمه ان فرونسي sur les عندكم ريغ دو ليمولاسيون tu regardes dedans هو ذكر الشروط فيها il a évoqué les conditions ما قريتش انا le livre هذاك je l'ai pas lu mais je sais qu'il a évoqué des conditions. Donc il dit concernant les immolations des wathaniyin. Wathaniyin c'est ce qui est pas idolâtre al kitab voilà les idolâtres ce qu'ils adorent n'importe quoi d'autre les hayawanat. اسمح لي انت طرحتم السؤال هذا هل يعني النصارى اليوم في فرنسا يسمون نصارى يسمون أهل الكتاب الشيخ أنا طرحت له سؤال قلت له بزمول كذلك قلت له له فتوى في التزوج بالنساء من أهل الكتاب قلت له شو المقصود بأهل الكتاب قال إذا كانت معتنقة لليهودية والنصرانية تطبق دينها فهمت ليس مجرد كلام يعني مثلا في بطاقة أو في الدفتر العائلي مكتوب عليها نصرانية وإنما هي نصرانية تطبق دينها عندها اعتقاد وتطبيق اللي هي هذه تسمى من أهل الكتاب. أما كميمات كاثوليك نون براتيكان وكذا يعني مجرد شعار هذا لا يعتبر من أهل الكتاب. فوالا سي اون كريتيان كي ابليك تي فوا لا سي برانسيب دو كريستيانيسم ولا ان جويف برانسيب دو جوداسم هي ريسبكت سي شوزا لا ابليك. Comme un musulman qui applique sa religion, une chrétienne qui applique sa religion. Il m'a dit celle-là, elle est considérée comme chrétienne ou juive, tu peux te marier avec elle, tu peux zabiha et tout ça. Mais il m'a dit quelqu'un que c'est marqué dans sa yani, pièce d'identité ou dans ses papiers, daftar al-aili, dans son carnet de livret de famille, religion chrétienne, il dit ça, ça n'a aucune répercussion sur yani, les lois religieuses. Madame, il y a un Isa ibn Allah. وبيذهبون إلى الكنائس ولا هدينا في الوثنية لا هدينا نصرانية لأن الله وصف النصارى ووصفهم بهذا الوصف فهمت؟ قالت اليهود كذا، قالت النصارى كذا، وأباح لنا الذبائح وأباح لنا النساء منهم. مع أنهم مشركون، يعني خاصية لأهل الكتاب، لأنهم أقرب إلى الإسلام من غيرهم، الوثني بعيد. أما صاحب الكتابين التوراة والإنجيل فيه تناسب مع القرآن، لأن فيه موسى وفيه عيسى، فيه قرب من الإسلام، عرفت؟ فيه حكم من حتى مع هذا، والعلماء لا ينصحون بالتزوج من اليهود والنصارى حتى مع قربهم من الإسلام، وأن الله باح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجرهن، حتى مع هذا لا ينصحون بتزوج من أهل الكتاب، لكن يجوز، عرفت؟ Faut que tu perces dans ce domaine, Ismaïl. Ça t'intéresse, je crois. Les juifs, les chrétiens et la viande. Nawasil. Et donc, ذبائح الوثنيين والكفار. Donc, الوثنيين, c'est le reste. Le kuffar, les mécréants. Et الدهريين. الدهريين, je connais faire. Ceux qui disent que le temps ne. Là, il y a les kuna, il le dahr. Le temps nous fera périr. Ou le mortadin, les apostats. Donc, ceux qui étaient musulmans, un apostat, c'est quelqu'un qui était dans l'islam et après, il a changé. Pour toute autre religion ou bien pour rien du tout. فَنَحْنُ لَا نَأْكُلُهَا. Dans ce cas-là, c'est محرم, c'est interdit de manger cette immolation. لِأَنَّهَا ذَبِيحَةُ كَافِرٍ وَهِيَ نَجِسَةٍ. Car c'est l'immolation d'un mécréant et donc c'est une souillure. لِأَنَّ ذَبِيحَةَ الْكَافِرِ مَيْتَةٍ فَهِيَ نَجِسَةٍ بِالْكُفْرِ. L'immolation d'un mécréant, c'est مَيْتَةٍ. Allah nous a interdit, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ. Il nous a interdit la bête morte. طيب فهي نجسة donc c'est une souillure à cause de la mécréance de celui qui l'a immolé. لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة. لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. Il dit la bête elle a تتأثر يعني celui qui l'égorge elle a il y a un effet sur la bête. Celui qui égorge est mauvais, la bête elle est mauvaise. Et وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. Puisque Allah il a accepté l'immolation de Ahl Kitab, des juifs et des chrétiens, ça montre que le reste, il ne rentre pas dans l'exception. Et ce qui ne rentre pas dans l'exception, la règle de base, c'est que c'est haram. Taïb. Qawluhum wa salati alayhim. Et leur prière. Ah oui, la phrase, Kamla, ben, Afou. Parmi la nation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les croyants dans leurs arrêts juridiques, leurs héritages, leurs immolations des animaux et leurs prières. Yusul. Non. Non, il y a de français, salat, c'est pas. ومن بعد ما شرحت فصل كل شيء بان يصلي على كل مسلم يصلى على كل مسلم فبخي سورتو مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا او منافقا لم يظهر نفاقه ام سان ديبوشي ام سي كلكان كي بيرفير كلكان كي ديبوشي كي ديزوبي الله فريكامون ميم سي سي ان هيبوكريت دونك سي هيبوكريت سي كلكان كي نا با في اباريت سون هيبوكريزي مادام انه لم يخرج من الاسلام tant qu'il est pas sorti de la sphère de l'islam فانه يصلى عليه faut prier sur lui les prières mortuaires ويدعى له invoque en sa faveur ويستغفر له demande pardon en sa faveur ويرثه ويرث قريبه المسلم son héritier celui qui est proche de lui dans le nasab etc musulman il l'héritera de lui ويرثه قريبه المسلم donc يرث قريبه المسلم c'est-à-dire son proche et lui qui va prendre l'héritage ويرثه قريبه Il hérite de son proche. Yarithu qaribahu muslim, ça veut dire qu'il laisse, lui, il laisse l'héritage à quelqu'un qui est proche de lui, qui est musulman. Wa yarithu qaribahu al-muslim, son proche qui est musulman, il va prendre de son héritage. Yarithu qaribahu, naam. C'est le contraire, non? Non, je pense plutôt que c'est le même. Ça, c'est ça. Qaribahu. يرثه قريب الثاني يرثه قريبه المسلم c'est son quelqu'un qui est proche de lui et qui est musulman il va prendre de son héritage ويرث قريبه المسلم c'est lui le mort il va laisser l'héritage à son proche musulman La première est Mansouba et la deuxième. Yarithu, Qaribahu al-Muslim. Le premier c'est lui. Lui va prendre l'héritage. Lui va prendre l'héritage de son proche musulman. Et le deuxième, c'est lui qui va laisser l'héritage à son proche musulman. C'est ça que tu as dit? Oui, ouais, c'est ça. Il dit pas qu'il laisse, il dit que son proche il va le prendre de chez lui. Mais le mirath ne se déroule pas sur ce qu'il laisse. Toujours. Le mirath, quand on parle de mirath, c'est qu'est-ce que le défunt il a laissé après sa mort. Sinon, ça ne s'appelle pas mirath. Araft? Hein? Hadratak. Araft? Oui, c'est Hadratak. Araft? C'est bon, vous avez compris? يعني من باب ان المسلم الشيخ دي ميم سي سي كلكان ديبوشي وكذا كذا طون كيلي دون لاسفير دو الاسلام عنده حقوق الى دي دروا الى دي ان سيرتين بروكسيميتي avec le musulman hein هنا الشيخ يغون با دون ديتاي مي سي رونتر دون ديتاي يفا دير كو عنده معروف الشيخ صالح الفوزان يديك تارك صلاه كفر اذا طون كو كونسيدير لا بيرسون مسلمان الى تو سي دروا لا هنا كيقول تارك صلاه كفر يخرج من الملة هم على قول قول المشايخ لي يا ربي كافر يعني كافر مخرج من الملة قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام ainsi nous ne témoignons pas qu'une personne a une véritable foi tant qu'elle n'applique pas toutes les prescriptions islamiques اي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن on peut pas faire des éloges à quelqu'un en disant un tel c'est un مؤمن لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها car tu es en train de témoigner sur quelque chose que peut-être qu'il n'est pas méritoire ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلانا فإنه مؤمن quand un homme il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم donne à un tel هذه الله عليه وسلم était en train de décomposer le غنائم il a dit donne à un tel car c'est un مؤمن c'est un croyant قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم ou musulman le prophète صلى الله عليه وسلم dit ou musulman ثم قال أعطي فلانا فإنه مؤمن قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا le prophète صلى الله عليه وسلم veut dire à travers cela que la personne ne doit pas se faire des éloges ne doit pas faire des éloges à autrui إنما يعطيه الإسم العام il faut qu'il le laisse dans la sphère générale dans l'appellation générale فيقول هو مسلم il dit c'est un musulman قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام ça se peut que c'est quelqu'un qui est musulman, qui est bien yani, ancré dans l'islam, ça se peut que c'est un musulman, mais qu'il y a des dérives. Et qu'il y a des ma'as et des naqs. Non, c'est par rapport à... Il dit à Rasoul Sallam, « Ida ra'aytum l'insan, Allah wa'alim, y'a-t-il massaj fichu d'ahub l'iman. » L'hala, kifish n'hakmou alayhi. Hadith, c'est d'aïf, c'est sinon tirmidhi. Et t'achad l'ahu l'aïa, le verset qui est dans surat Tawbah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هذا إيش هذا أن كي تشوف يعني واحد في المساجد يدل على أنه مسلم ومؤمن إن شاء الله لكن الحديث سنده ضعيف إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني يجي مع معنى الحديث لكن وش الإشكال هنا يمكن الحديث ضعيف والمعنى صحيح ولا المعنى صحيح قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاص ونقص وقد يكون منافقا فأنت لا تشهد له بالكمال faut pas que tu lui témoignes de quelque chose que tu ne connais pas ça se peut que c'est un hypocrite tu ne sais pas يعني la réalité de la personne قوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب si elle néglige quoi que ce soit en cela alors sa foi est défectueuse jusqu'à ce qu'elle se repente عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام. Donc il dit la conviction d'Ahl Sunna wal Jama'a c'est que les péchés même si jamais c'est des grands péchés tant que c'est moins que le shirk ça ne fait pas sortir le musulman de l'islam. أو لا تخرجه من دائرة الإيمان ça ne fait pas sortir de la sphère de l'iman. وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. C'est un il a une partie de iman hein mu'min et il est débauché à cause de ses grands péchés ou son grand péché qu'il fait ou tu dis هو مؤمن ناقص الايمان ou bien tu dis c'est un mu'min ناقص الايمان comme l'a dit Ibn Taymiyyah fi al-wasitiyya qawluhu wa'lam anna imanahu wa'lam anna imanahu ila Allah ta'ala tam al-iman ou ناقص الايمان sache que sa foi à la personne n'est que pour Allah ta'ala le seul à juger si sa foi est complète ou incomplète يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله. On accepte l'apparence, ce qui nous a fait apparaître. Il nous a fait apparaître l'islam, on considère musulman. Il nous a fait apparaître le kufr, on considère kafir. Et son aspect caché, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il fait en cachette, etc. Nakiluhu ilallah, yani on laisse ça. Allah va le juger à ce propos. قوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. أي إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. Sauf s'il a délaissé ou s'il est auteur d'un annulant de l'islam. ومنها ترك شرائع الإسلام. فأنت تحكم عليه بالردة. Comme quelqu'un, il dit donc quelqu'un qui délaisse les différents rites de l'islam, tu le considères comme étant apostat. كما إذا ترك الصلاة متعمدا, comme quelqu'un qui délaisse la prière d'une manière de plein gré, de manière volontaire. أو إذا تكلم بكلام كفر, quelqu'un qui prononce la mécréance. كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم, insulte Allah son messager. أو سب دين الإسلام, فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه, tu le considères comme étant apostat selon ce qu'il a, il a fait apparaître. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع وهل هو متأول أو هل هو مقلد هل هو جاهل هل هو غضبان فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. Donc quelqu'un fait apparaître يعني l'apostasie et il y a pas d'excuse, il y a pas d'obstacle qui empêcherait de le rendre mécréant. Peut-être qu'il a interprété la chose d'une mauvaise manière, il l'a mal comprise. Peut-être qu'il a suivi d'une manière têtue quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est ignorant, il ne savait pas que cette chose-là, c'était une énormité, ça faisait sortir de l'islam. Peut-être qu'il était en état de colère, il ne savait plus ce qu'il disait, etc. S'il y a un obstacle qui empêche de faire passer le cap de l'apostasie, eh bien, il faut s'abstenir s'il y a un ou plusieurs obstacles. Inch'Allah, on s'arrête là. Continuera la semaine prochaine. En général, à la coule, le musulm, il a été sarra fil ahkam ala nas, wala ou il a sadar bihum ba sadar, il a le kufra ala shirk. Il a été marqué le shirk, il a été mawani, il a été. Le ghalib, il a été shirk, il a été nadwan, il a été nadwan. Barakallahu fik. درسنا نواقض الإسلام, الشيخ فصل في هذا في المقدمة. يعني قال ندرس نواقض الإسلام لنعرف ما هي النواقض حتى الإنسان يتجنبها, لا للأحكام, للحكم على الأشخاص المعينين, تنقل هذا كافر وهذا فعل كذا وكذا. لا شك أن هذا أولى من ينتفع به نحن. بارك الله فيك. هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.